sciences du climat ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui sans l'apport déterminant des observations par satellite. Utile à l'observation de la structure de la Terre, des dynamiques des océans ou des courants atmosphériques, la liste des connaissances rendues possibles grâce aux satellites est sans fin. Si ces outils d'observation ont permis d'établir des connaissances fiables sur le fonctionnement de notre planète à un instant T, ils permettent également d'anticiper et de faire des projections sur l'évolution de notre climat à des échelles de temps plus longues. Le temps long, la précision, ce sont justement les deux mots d'ordre du programme Copernicus de l'Agence spatiale européenne, avec ses 6 familles de satellites, les bien nommés Sentinelles, et nous en parlons tout au long de cette heure. Satellites, les sentinelles de la Terre, c'est le programme en orbite pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Simonetta Kelly. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes chef des programmes et de la stratégie à la direction de l'observation de la Terre à l'Agence spatiale européenne. Avec nous également à distance, Annie Cazenave. Bonjour. Vous êtes géophysicienne, climatologue et chercheuse au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale associée au CNES à Toulouse. Avant de nous embarquer dans l'espace, il est temps de monter à bord de la fusée de l'actualité des sciences avec vous, Natacha Triou. C'est l'heure du journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Nature, Ecology and Evolution et la découverte d'un crâne d'hominidé vieux de 2 millions d'années. Oui, c'est un crâne extrêmement bien conservé, découvert sur le site archéologique de Drimolène, en Afrique du Sud. Il appartient à une espèce éteinte, le Paranthropus robustus. Il y a 2 millions d'années, cet ancêtre humain primitif vivait dans cette même vallée, aux côtés d'Australopithecus et d'Homo erectus, notre ancêtre direct. Alors, grâce à ce fossile, baptisé DNH-155, on peut observer l'adaptation et la micro-évolution d'une espèce avant son extinction. Les auteurs de cette étude ont comparé ce fossile à d'autres crânes plus récents, avec 200 000 ans d'écart. Il en sort que ce crâne est beaucoup plus petit. Selon les chercheurs, un changement climatique brutal a bouleversé l'environnement, la végétation locale, et donc l'alimentation de ces hominidés. Par conséquent, la mastication chez Paranthropus robustus a évolué. Ce crâne nous montre comment un climat sec peut modifier, en seulement 200 000 ans, l'anatomie d'une espèce et orienter la sélection naturelle. Et comme chaque jour, les études évoquées dans ce journal sont à retrouver sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc et sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. S'il obtient une homologation, le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et BioNTech va être un casse-tête logistique. On ne sait toujours pas grand-chose de ce vaccin, qui serait efficace à 90%, mais on pense déjà à comment le livrer partout dans le monde. Cette nouvelle technologie, basée sur les ARN messagers du virus, doit être maintenue à environ moins 70 degrés. C'est 4 fois plus froid qu'un congélateur classique. La plupart des vaccins sont réfrigérés entre 2 et 8 degrés. Dans les centres de transport et d'entrepôt, la capacité des congélateurs à très basse température est limitée. Donc pour ne pas briser la chaîne du froid, la distribution internationale risque d'être complexe, d'autant que les pays en développement manquent d'infrastructures. De plus, une fois décongelé, ce vaccin serait stable pendant 5 jours, ce qui nécessitera donc une planification minutieuse sur tous les sites de vaccination. En bref, toujours, selon une étude parue dans Nature Climate Change, les plages ne sont pas condamnées à disparaître, elles peuvent survivre à l'élévation du niveau de la mer. En début d'année, une étude affirmait que la moitié des plages de sable disparaîtraient de notre planète d'ici la fin du 21e siècle. Alors, du 20e siècle, pardon. 21e, non, je m'embrouille. Mais bon. Un consortium international a réexaminé ces données et elle arrive à une toute autre conclusion. Nous avons sous-estimé les capacités d'adaptation des plages et tout dépend de la morphologie côtière. Si les plages ont de l'espace à l'arrière, elles peuvent alors migrer dans les terres et faire ainsi reculer le littoral. En revanche, celles qui s'appuient contre des falaises sont en effet susceptibles de disparaître d'ici 2100. Et enfin, la Chine a lancé le premier satellite expérimental 6G. Oui, alors que la 5G ne devrait arriver en France qu'à partir du 20 novembre, la Chine a lancé un satellite de communication de 6e génération. Il sera utilisé pour tester les performances de cette nouvelle technologie dans l'espace. Une technologie qui devrait être 100 fois plus rapide que la 5G et qui permettrait des transmissions sans perdre. Alors, est-ce que cette nouvelle gamme de fréquences peut nuire aux instruments astronomiques, à la santé publique ou à l'environnement? Nous n'en avons aucune idée. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Depuis Spoutnik, le premier satellite soviétique mis en orbite en 1957, les satellites n'ont eu de cesse de gagner en précision et d'alimenter la recherche scientifique avec une quantité inespérée de données. Il y a a priori un paradoxe à prendre autant de hauteur pour scruter la Terre en détail, et pourtant, sans ces détails, on aurait difficilement pu décrire des courants côtiers comme El Niño, établir que la Terre avait des creux et des bosses et qu'elle était de forme patatoïde, ou bien encore cartographier les dorsales océaniques. Aujourd'hui, une nouvelle génération de satellites s'apprête à voir le jour dans le cadre du projet européen Copernicus, et nous verrons tous les enjeux qu'il y a à mener ce type de grand projet à son terme, avec comme mot d'ordre un relevé de données aussi précises que possible, le tout dans la durée pour cerner au mieux les évolutions au long cours de notre climat. Alors avant de prendre à bras-le-corps toutes ces questions cruciales, avec vous, Simonetta Kelly et Annie Cazenave, je vous propose de remonter à la source de ces satellites et à Spoutnik. C'était en 1957 et l'astrophysicien Jean-Claude Péquer s'exprimait dans l'émission La Tribune du Progrès. Il est certain que les bip-bip ont une signification très importante, malheureusement que nous ne pouvons pas déchiffrer faute d'informations plus complètes. Ils transmettent en code des informations sur la température et probablement sur beaucoup d'autres choses, par exemple le rayonnement ultraviolet du Soleil, le rayonnement X, le rayonnement cosmique et peut-être encore d'autres données. Il est certain également que la fréquence même du bip-bip, fréquence qui a été réglée à l'émission de façon très précise et qui est mesurée au sol, peut nous donner des indications sur la vitesse du satellite dans l'espace. Il est certain, naturellement, par ailleurs, que le bip-bip étant émis par un satellite extérieur, en quelque sorte, aux couches ionisées de l'atmosphère, son bruit sera modifié par la traversée de ces couches ionosphériques. Et ces atténuations, par moment, par exemple, pourront nous donner des renseignements extrêmement importants sur les couches de l'ionosphère. Et les renseignements, pour nous astronomes solaires, je le précise, que nous pourrons tirer des observations du satellite. Imaginez simplement que depuis 6000 ans qu'il y a des hommes sur la Terre, nous n'avons eu aucune donnée sur le rayonnement ultraviolet du Soleil jusqu'aux années récentes où ces données nous ont été fournies par les observations faites par fusée. En quelques années, en 10 années, nous avons eu, disons, quelques secondes, peut-être quelques minutes d'observation du rayonnement ultraviolet du Soleil. Maintenant, en 12 jours, si le satellite transporte des instruments susceptibles d'observer le rayonnement ultraviolet du Soleil, ce qui est possible, nous aurons eu exactement 12 jours d'observation du rayonnement ultraviolet du Soleil. Et je n'ai pas besoin de souligner l'importance que ça a pour nous en raison de l'immense importance du rayonnement ultraviolet du Soleil pour l'équilibre des hautes couches de l'atmosphère et également pour la climatologie probablement. Voilà pour la genèse de ces satellites envoyés dans l'espace. Une réaction à cette archive, peut-être Simonetta Kelly? Oui, en fait, l'Europe, en général, tous les pays européens ont fait de longs pas depuis l'époque de 57. Juste pour rappeler qu'en 78, on a lancé les premiers satellites européens météorologiques, Meteosat. Aujourd'hui, on a une famille de satellites météorologiques que l'Agence spatiale européenne développe ensemble avec Eumetsat, qui est l'organisation qui opère les satellites météo, qui est une famille de satellites très avancés en orbite géostationnaire et aussi en orbite polaire. Et de nouveau, à lancer dans les prochaines années. Et pour ce qui concerne l'observation de la Terre, il faut rappeler que déjà dans les années 80, la France avait lancé les satellites à la mission nationale SPOT et l'Agence spatiale européenne a commencé en 91 avec une mission qui s'appelait ERS-1, donc une mission radar, qui a été suivi par d'autres missions, RS2, MBSAT, et donc de nombreuses missions qui avaient au départ une vocation plus recherche scientifique. Donc c'était des missions qui avaient plutôt un one-off, un lancement prévu. Et aujourd'hui, on est arrivé vraiment à une donne nouvelle dans ce qui concerne l'Europe, l'observation de la Terre, où on est un modèle de référence en termes de quantité d'émissions, en termes de données, en termes de volume de données qui est organisée aujourd'hui et disons aussi en termes d'opérationnalisation de l'observation de la Terre. Au départ, on faisait que des missions qui avaient une vocation one-off recherche, mm-hmm. comme les missions Explorer qu'on fait encore à l'ESA. Et aujourd'hui, Copernicus, qui est un programme qui est sous l'égide de l'Union européenne dans lequel l'ESA travaille avec la Commission, c'est un programme qui a une vocation opérationnelle. On a des données pour des longues série de temps, ce qui est très important, comme vous disiez, pour les utilisateurs, pour une longue durée, et des données qui sont assurées avec des satellites de la même façon, qui sont les satellites 1, 2, A, B, donc des séries de satellites sous la famille Sentinel, qui donc fournissent des données au-delà de l'année 2030. Aussi. Et on abordera tout en deuxième partie toute cette question liée aux satellites de la famille Copernicus et des familles Sentinel. Annick Aznav, j'aimerais juste avoir une petite réaction peut-être à cette archive concernant Spoutnik et cette évolution des satellites envoyés dans l'espace et de leurs observations. Eh bien, pendant assez longtemps, en fait, on a surtout eu des satellites imageurs qui prenaient des photos de la Terre dans le domaine optique ou radar. Et je dirais que c'est quand même que depuis une trentaine d'années, et surtout ces 20 dernières années, que les agences spatiales dans le monde, hein, en Europe et puis aux États-Unis, en Chine maintenant, en Inde, eh bien, ont développé des capteurs qui permettent de mesurer, non seulement de prendre des photos, mais aussi de mesurer un certain nombre de variables climatiques. Et ça, c'est absolument fondamental pour comprendre comment le système climatique, le système Terre fonctionne, parce qu'il y a plein de compartiments différents, l'atmosphère, l'océan, les eaux continentales, les glaces, etc., qui interagissent tous sur des échelles de temps et d'espace extrêmement vastes, extrêmement variées et de façon très complexe. Et sans les satellites, on ne peut pas avoir cette vision synoptique globale permanente. Et donc, c'est tout à fait fondamental, l'observation spatiale de la Terre et au cœur de ces questions de surveillance de l'environnement et de son évolution. Oui, Simonetta Kelly, une question un petit peu, une question d'enfant, mais pourquoi est-ce qu'on prend autant de distance avec la Terre pour l'observer de plus en plus en détail? Et quels sont les avantages à être aussi loin de la Terre pour l'observer en détail? En fait, il faut être à peu près, la plupart des missions d'observation de la Terre sont à peu près à 800 km autour de la Terre. Ils ont un temps de revisite assez fréquent, donc un satellite passe autour de la Terre très souvent, tous les heures et demie. Et en fait, il passe sous la même zone de la Terre, parfois tous les 5-6 jours, ça dépend du temps de revisite qu'il a sous la même zone. Donc le plus on a de satellites, le mieux on a une vision de la Terre plus focalisé quelque part. Et aussi, on a des satellites qui sont en orbite, soi-disant appelée polaire. Et donc, avec les mesures de tous ces satellites qui combinent différentes orbites et différentes visions de la Terre, on peut avoir vraiment ce qui est une image complète, surtout sur tout ce qui sont les variables climatiques dont parlait Annie. En fait, aujourd'hui, on a une convention des Nations Unies pour le climat, la convention appelée UNFCCC, qui a à l'intérieur 54 variables climatiques. Donc des paramètres, des indicateurs qu'il faut en permanence suivre et on peut les suivre avec les satellites et l'outil satellitaire, c'est extrêmement utile parce que c'est récurrent. Ça passe aussi au-delà des frontières, donc c'est un outil qui n'a pas une valeur seulement nationale, mais surtout quand on a du reporting à faire, comme dans le cadre, par exemple, de la COP21, des accords de Paris, c'est important d'aller au-delà des frontières. C'est des satellites qui fournissent des informations et des données sur des zones qui sont inaccessibles. Souvent, on parle de l'Antarctique ou de l'Arctique, donc c'est très important d'avoir aussi des satellites qui ont une vision aussi de la Terre en zone polaire et une vision de la Terre aussi des zones qu'on ne peut pas facilement accéder au niveau humain. Donc tous ces éléments font des satellites un outil fondamental pour faire le suivi de toutes les conventions sur le climat et sur l'environnement en général, les conventions qui ont été démarrées par les Nations Unies, notamment en 2002 à Johannesburg, suite au sommet de Johannesburg. Et pour ces variables climatiques, ce qu'il faut dire, c'est qu'on travaille au niveau de l'Agence spatiale européenne avec les différents pays sur déjà plus que 20 variables climatiques, notamment des variables qui regardent l'état de l'atmosphère, des océans, la température des océans, la couverture terrestre, qui donc donnent des éléments essentiels à qui veut faire un suivi du climat et une action vraiment à long terme aussi scientifique dans ce domaine. Annie Cazenave, est-ce qu'on peut dire que c'est grâce aux observations par satellite que finalement les sciences du climat sont véritablement nées ? Oui, absolument. Et puis je voudrais compléter ce que vient de dire Simonetta. Il y a des régions du globe pour lesquelles on ne pourrait pas avoir d'observation sans les satellites. Prenez l'océan. Aujourd'hui, en mesurant en routine la température de surface de la mer, la salinité de surface, les courants marins, le vent, les vagues, la hausse du niveau de la mer, on en parlera peut-être, et puis aussi la concentration en phytoplancton, etc. Il faudrait des centaines d'années pour faire ces mesures-là, à partir de bateaux, pour avoir une couverture globale. Or, avec les satellites, en quelques jours, on a cette couverture globale. Un autre exemple, c'est les eaux continentales. Pour gérer les ressources en eau, on a besoin d'informations sur les niveaux d'eau et les débits des rivières, par exemple. Eh bien, il y a plein de régions du monde où les réseaux in situ sont en déclin pour des raisons économiques ou politiques, ou parce que c'est des zones de guerre. Et puis, il y a des régions du monde, en Afrique en particulier, où des grands bassins comme le Congo ont absolument aucun réseau in situ. Et donc, là, les satellites sont absolument irremplaçables, incontournables. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. On continue d'évoquer tout au long de cette heure les satellites et leur rôle dans notre compréhension de la Terre et de son climat avec Annie Cazenave et Simonetta Kelly. Alors on va zoomer progressivement sur la Terre grâce à ces satellites. On commence par un plan large. Annie Cazenave, on a découvert assez rapidement grâce aux satellites que la Terre n'était pas une sphère parfaite. Et quelles implications cette découverte a eues ? Ah oui, alors là, vous parlez des satellites qu'on appelle altimétriques, qui emportent des radars, donc qui ont des radars embarqués. Mmh. Alors, en fait, c'est depuis le milieu des années 70 qu'on mesure la topographie de la surface de la mer avec ces satellites altimétriques. Mais il a fallu attendre plus de 20 ans, enfin une vingtaine d'années, pour avoir des mesures assez précises pour mesurer la dynamique de l'océan, les courants marins, la hausse du niveau des mers, etc. Et pendant longtemps, jusqu'au début des années 90, eh bien, la précision des mesures n'était pas suffisante pour avoir accès à la dynamique océanique. Mais en revanche, on a mesuré les creux et les bosses de la surface de la mer, qui sont des creux et des bosses permanents, et qui sont en fait une image des fonds marins. Et là, ça a été en fait une découverte parce que en fait jusque-là on pensait que la surface de la mer était plutôt plane en gommant bien sûr les vagues, l'effet des vagues, etc. Mais on pensait qu'à grande échelle la surface de la mer était plane et on a découvert que c'était pas vrai. On a cherché à comprendre pourquoi, puis on a compris que c'était dû à la forme de la Terre, la dynamique interne et puis la topographie des fonds marins qui sont en fait un reflet de la tectonique des plaques. Simonetta Kelly, cette question-là de la forme de la Terre, elle a un impact direct sur les orbites des satellites. Alors en quoi cette forme-là implique un calcul très spécifique des orbites des satellites ? Alors on a étudié la forme de la Terre avec une mission spécifique qu'on a lancée il y a quelques années qui s'appelait GOCHE, et aussi les Américains ont une mission presque similaire qui regarde la gravité, donc et qui a regardé la forme de la Terre et a donné l'image de la forme de la Terre et de ce qu'est la géodésie terrestre la plus précise qu'on a pu avoir. Cette mission a maintenant fini son temps de vie, mais les données d'archives de la mission GOCHE qui sont combinées avec la mission GRACE et d'autres missions internationales sont très importantes pour voir que donc la mer n'est pas ronde, la Terre n'est pas ronde comme on pense qu'elle est, et que la mer donc elle a un impact sur la géodésie. La morphologie de la Terre a un impact sur la mer, sur l'évolution des océans, sur les courants et sur tout ce qui est les flux d'eau qui tournent autour de la Terre. Et ça, c'est très important à regarder, non seulement du point de vue des missions comme celle qu'on a eue, GOCH, mais aujourd'hui, on a d'autres missions qui regardent les océans. On va en lancer une autre bientôt qui va regarder plus précisément l'ossement du niveau de sea level rise, donc au niveau des océans. On va lancer un satellite qui s'appelle Sentinel-6 le 21 novembre qui donnera des informations très importantes sur tout ce qui est la topographie des océans, et donc des informations qui peuvent être combinées à d'autres informations satellitaires aussi, celles qui sont dans les archives, et qui va être très très intéressant pour qui fait de la science là-dessus. Cette fois-ci, c'est un satellite qui va tourner pas à 800 km, mais à 1300 km de la Terre, avec une inclination de 66 degrés, donc un peu différente, mais chaque satellite a ses spécifications qui sont fondamentales pour correspondre aux demandes et aux besoins des communautés utilisatrices, que ce soit des communautés scientifiques ou des communautés d'utilisateurs opérationnels. Et ça, c'est très important à savoir, parce qu'on ne développe plus aujourd'hui dans les concepts qu'on a des missions qui sont technology push. On fait des missions notamment dans les domaines d'environnement qui soutient l'implémentation des politiques environnementales au niveau régional européen et aussi international. Aujourd'hui, on travaille en support au Green Deal européen, donc une priorité politique européenne. Et avec toutes les données qu'on a, sûrement, on peut aider à la mise en place de ces politiques d'une manière très valable. Annie Cazenave, sur cette question des satellites et de leur importance dans l'observation des océans, et notamment de cette donnée cruciale qui a été rendue possible, dont on a pu avoir connaissance grâce aux satellites, celle du niveau de la mer. Depuis quand est-ce qu'on estime cette hausse du niveau de la mer et pourquoi ça a une grande, grande importance? Alors, on a commencé à mesurer le niveau de la mer avec une vision globale depuis l'espace, avec le satellite Topex Poseidon, qui est une mission franco-américaine, qui a été suivi par les satellites Jason 1, Jason 2, Jason 3, et puis le Jason CS, qui s'appelle aussi Sentinel 6, que vient d'évoquer Simonetta, qui va être lancé dans quelques jours. Et puis, alors, il y a d'autres satellites aussi qui ont été lancés par l'Agence spatiale européenne pour mesurer la hausse du niveau des océans. Mais ça fait donc maintenant une petite trentaine d'années qu'on observe cette hausse de façon globale. Alors, on a découvert que la mer monte. On le savait déjà grâce à des instruments in situ qu'on appelle des marégraphes, mais qui ne voient pas du tout ce qui se passe en pleine mer et qui sont mal répartis à la surface le long des côtes continentales. Donc là, on voit que la mer monte. Et puis surtout, maintenant qu'on a presque 30 ans de mesure, cette hausse, on voit aussi qu'elle accélère. Mmh. Et on essaye de comprendre pourquoi. On pense, grâce à d'autres mesures spatiales, que c'est dû à la perte de masse de glace des calottes polaires, le Groenland et l'Antarctique, mais il y a aussi le réchauffement de l'océan qui joue. Et pourquoi c'est important? Eh bien, c'est je dirais assez évident, c'est que toutes les côtes continentales basses qui sont aussi très peuplées, il faut rappeler que 10% de la population mondiale vit le long des côtes, à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mmh. Que 11 des plus grandes mégapoles du monde sont situées le long des côtes. Donc, savoir combien la mer monte et combien ça va impacter la société, les populations qui vivent le long des côtes, et c'est évidemment extrêmement important. Et puis c'est aussi important pour valider les modèles de climat qui sont développés pour simuler les évolutions futures. Donc, si les modèles, par exemple, qui projettent la hausse du niveau des mers à l'horizon 2100 sont pas capables de reproduire ce qui se passe aujourd'hui, mmh. Bon, ça pose problème. Donc, ouais. Ces observations, elles sont absolument fondamentales. Simone Attakeli, sur cette question. Pour parler aussi de ça, Annie, tu as mentionné la tendance, qui en gros, c'est une montée progressive de la mer. En fait, on a mesuré depuis 1992 une montée de moyenne de 3,3 mm, mais une accélération les dernières 5 années. En fait, il y a eu une étude qui a été publiée sur Nature récemment, ça a été mentionné au début de l'émission, qui parle d'un ossement de 1-2 mètres jusqu'à 2100. Et si on oui. pense que 15% de la population méditerranéenne vit en zone côtière, ça peut impacter évidemment tout le reste du monde, mais aussi la zone méditerranéenne. Donc, très important oui. d'avoir ce type de mesures sous cette région aussi. Et puis, la tendance. Annie Cazenave. Si je voudrais rajouter que grâce aux satellites, est-ce qu'on ne pouvait pas savoir avant, avec les marégraphes qui sont installés le long des côtes, dans les ports en général, C'est que la mer ne monte pas de manière uniforme. Ça c'était une découverte, et on a constaté, on constate que dans certaines régions du monde, la mer monte jusqu'à 3 fois plus vite que la moyenne globale, cette hausse moyenne de 3 mm par an. Donc dans certaines régions, depuis 30 ans, eh bien la hausse du niveau des mers, l'élévation c'est 25 à 30 cm. Pour les îles, les atolls, certains étant très peuplés, ben ça commence à faire beaucoup. Surtout que je voudrais rajouter que dans plein de régions du monde côtières, non seulement la mer monte à cause du réchauffement climatique, mais le sol s'enfonce. Alors les deux effets viennent se combiner. Le sol s'enfonce parce qu'on pompe de l'eau pour les besoins domestiques, pour l'industrie, etc. C'est des choses qu'il faut absolument mesurer, surveiller, afin de se pouvoir se projeter dans le Et futur. toutes ces mesures, toutes ces projections, elles sont permises grâce aux observations satellitaires. On ne va pas rappeler trop en détail comment fonctionnent ces satellites, mais on a déjà consacré pas mal d'émissions de la méthode scientifique à ce sujet. Mais j'aimerais quand même que vous nous réexpliquiez un petit peu, Annie Cazenave, quels sont les grands types d'observations et quelles sont les grandes technologies d'observation actuellement disponibles. Ouh, Il y y a a beaucoup. beaucoup Si est-ce que, y a voilà, les beaucoup, grandes y a orientations? plein de capteurs de types différents. Il y a les satellites qui optiques qui en fait prennent des images de la Terre dans le domaine visible. Il y a des satellites qui mesurent la température donc dans le domaine infrarouge. Il y a des satellites qui prennent je dirais des images dans le domaine radar. Et puis après, il y a des capteurs dédiés pour mesurer, par exemple, la topographie de la surface de la mer. Ce sont des altimètres qui mesurent la forme de la surface de la mer. Et puis il y a plein d'autres capteurs. Je pense que la liste est tellement longue Oui, non, on va que pas se perdre dans ces pour questions chaque trop pays, il y techniques. a un secteur Simonetta dans Kelly. lequel l'Europe est très avancée. En fait, déjà, la France a une compétence très importante dans les domaines optiques et l'Europe en général dans le domaine radar. Et on a lancé, comme je vous disais, le premier radar en 91. On a une longue tradition d'expérience radar. Et radar, c'est un instrument assez spécial dans le sens qu'il voit à travers les nuages, il voit la nuit et les jours. Très utile, par exemple, pour voir les zones inondées dans les cas d'événements et de désastres naturels, et aussi très utile pour voir des mouvements millimétriques du terrain, donc une technique qui s'appelle l'interférométrie, et aussi très utile pour regarder les forêts qui sont super Pardon. importantes comme variables climatiques. Annie Cazenave. Oui, je voudrais rajouter une autre technique qui est, à mon avis, tout à fait révolutionnaire. C'est celle qui ça a été évoqué par Simonetta tout à l'heure. C'est une mission qui s'appelle GRACE, malheureusement qui n'a pas été, enfin, qui a été partiellement développée par l'Europe, mais c'est une Qui mission. observait plutôt les glaciers, je crois, hein. Alors, pas que, mais c'est une mission qui a été développée par les Américains et l'agence, enfin la NASA et l'agence spatiale allemande. Au Et début qui des mesure années des 2000, varia oui. qui mesure des variations temporelles de la gravité de la Terre qu'on interprète sur des échelles de temps qui vont de 1 mois à plusieurs années, comme des redistributions de masse à la surface de la Terre. Et grâce à cette mission, qui est assez unique, qui est vraiment unique, on mesure effectivement la perte de masse de glace des calottes polaires, on mesure l'augmentation de la masse de l'océan qui vient de la fonte des glaces et qui est une des composantes majeures de la hausse du niveau des mers. Et puis surtout, ce que je voudrais mentionner, c'est que grâce à cette mission, on mesure les variations des stocks d'eau sur les continents. Et en particulier, on a accès à ce qui se passe dans les aquifères, dans les nappes profondes, ou dans plein de régions du monde. Si je prends l'exemple de la vallée du Gange, il y a des millions de puits qui sont creusés par les agriculteurs pour pomper l'eau dans les nappes profondes. Fonde pour irriguer les cultures. Et grâce à cette mission qui s'appelle GRACE, eh bien, on a découvert que la quantité d'eau dans ces nappes profondes est en train de diminuer de façon extrêmement inquiétante. C'est aussi le cas dans l'Ouest américain, par exemple, où on pompe l'eau pour les usages domestiques, pour l'industrie, etc., et qui est soumise à des sécheresses récurrentes. Et sans cette mission, on ne pourrait pas le savoir parce que depuis le sol, c'est quasiment impossible d'avoir une vision, au moins à l'échelle Global, régionale, ouais. de ce qui se passe passe dans ces nappes profondes. Et Annie Cazenave, cette mission GRACE, elle est un petit peu, elle marquait un petit peu les prémices d'une mission à venir qui s'appelle SWOT, qui va atteindre encore des degrés de précision beaucoup plus grands. C'est pas la même technique. GRACE. GRACE, c'est la gravimétrie spatiale, et puis SWOT, ce sera l'interférométrie à large fauchée, oui, si je me trompe pas. Oui, qui va mesurer uniquement les eaux de surface, mais là aussi, ça va être tout à fait révolutionnaire. Mmh. C'est une mission de nouveau développée par la NASA, le CNES en France, et puis il y a une collaboration anglaise et canadienne. Et là, qui est surtout dédiée à la mesure des eaux de surface. Mmh. Mais c'est aussi extrêmement important. Parce que, par exemple, je voudrais rappeler que pour la gestion des ressources en eau, 70% des eaux qui sont prélevées par les humains, eh bien, ça provient des eaux de surface, les rivières et les lacs. Et avec cette mission-là, on va être capable de voir toutes les rivières du monde qui sont plus larges que 100 mètres, tous les grands lacs, etc. Enfin, les lacs, les grands et les moins grands. Et on pourra observer la variation de leur hauteur au centimètre près. Ah oui, tout à fait. Et puis on pourra en déduire les débits, ce qui est la quantité importante pour les hydrologues. Et voilà. Et puis comme elle a été développée surtout initialement pour les eaux de surface, les eaux continentales, mais on va aussi observer l'océan. Mmh. Et on va pouvoir observer l'océan à petite échelle, avec une résolution de l'ordre du kilomètre, et mesurer les tourbillons, etc. Et puis voir ce qui se passe dans les zones côtières. Mmh. Donc c'est une autre mission, c'est une autre technique, mais qui est aussi tout à fait révolutionnaire. Simonetta Kelly, vous évoquiez tout à l'heure la question des variables climatiques. Vous disiez qu'il y en avait 56, et sur ces 56, je crois qu'il y en a 26 qui ne sont observables que depuis l'espace, grâce aux satellites. Alors on comprend bien là, ici, la nécessité du recours à ces satellites. Jusqu'à combien de variables un seul satellite peut observer? En fait, sous chaque variable, plusieurs paramètres. Oui, plusieurs paramètres. Donc, comme variable, on regarde la qualité de l'atmosphère, on regarde l'effondrement de glace, on regarde la couverture des forêts, on regarde les niveaux des océans. Donc, différents paramètres qui sont liés aux variables climatiques. Comme vous avez dit, c'est à peu près la moitié des variables climatiques totales des Nations Unies qui peuvent être soutenus et qui peuvent avoir l'outil spatial comme support. Et en gros, c'est très intéressant de mentionner aussi que c'est pas seulement des satellites européens qui contribuent à ça. Il y a une grosse collaboration internationale sur les sujets climat avec tous les partenaires du monde qui ont des satellites, que ce soit les Indiens, les Argentins, les Américains, les Japonais et d'autres, parce que là, on s'échange des données sur chaque variable. On essaye d'avoir une espèce de catalogue de références sur lequel on sait quel type de mesures on a besoin d'avoir et quel type de données qui sont fournies par quelle mission nationale ou internationale peuvent contribuer. Et ça, c'est un exercice que nous avons démarré après, disons, dans les dernières années à travers un comité qui est un comité international qui regroupe à peu près 30 agences européennes, 30 agences spatiales du monde où l'Europe est très présente et où il y a une forte action d'échange, de mise en commun de toutes celles qui sont les ressources satellitaires et les ressources spatiales pour aider à gérer les thématiques comme celle du climat. Et ça, je crois que c'est un élément très important parce que tout ce qui est climat, tout ce qui est environnement, ça implique une grosse collaboration internationale et même les pays qui n'ont pas investi au départ sur certains satellites, des pays comme, par exemple, comme des pays en voie de développement, peuvent bénéficier de l'utilisation de données. Mmh. Et ça, c'est, je crois, un élément intéressant à remarquer, cet aspect de collaboration et cet aspect du fait que les données, notamment, que nous mettons à disposition, sont des données free of charge pour le bénéfice de tout le monde. Annie Cazenave, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre de satellites qui tournent autour de la Terre? Et sur ce nombre-là total, est-ce que la majorité sont consacrés aux études de la Terre et du climat? Alors, ben c'est justement une information que je suis allée chercher sur Internet. Écoutez, ça me fait plaisir. Alors, j'ai vu qu'il y avait aujourd'hui en 2020, 2600 satellites qui sont en orbite, mais certains ne fonctionnent plus. Alors, en ce qui concerne l'observation de la Terre, j'ai noté le chiffre de 400. Mais la majorité, ce sont des satellites imageurs dans le domaine optique ou radar. Et il y en a beaucoup moins qui mesurent des variables climatiques particulières, mais il y en a quand même une bonne centaine. Et sur ces satellites-là, Simonetta Kelly. Pour ce qui concerne l'Agence spatiale européenne, on a en ce moment en opération 15 satellites d'observation de la Terre, de différents types, et des satellites scientifiques et des satellites sentinelles du programme Copernicus européen. Et on est en train d'en développer 34 nouveaux qui vont être lancés dans les prochaines années. Donc ça, c'est quand même important à remarquer qu'on est un des acteurs les plus importants dans la scène mondiale en termes de volume des satellites et en termes d'importance du programme d'observation de la Terre. Eh bien, vous anticipez sur notre programme et vous annoncez la suite de l'émission. Restez avec nous, on continuera d'aborder toutes ces questions en deuxième partie et on va se pencher, bien sûr, sur le programme européen Copernicus. Parler beaucoup trop élégant. Entracte twist dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de ce que les observations par satellite apportent à la recherche en sciences de la Terre et en sciences du climat, en compagnie de Simonetta Kelly, qui est chef des programmes et de la stratégie à la direction de l'observation de la Terre à l'Agence spatiale européenne, l'ESA, en compagnie également d'Annie Cazenave, géophysicienne, climatologue et chercheuse au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale, associée au CNES à Toulouse. Alors, avant de poursuivre notre observation par satellite de la planète Terre, il est l'heure, et bien, comme chaque mercredi, de retrouver la recherche montre en main. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Martin Schwartz. Bonjour. Bonjour. Vous avez débuté votre thèse en septembre 2020 au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, le LSCE, une thèse qui est encadrée par Philippe Siet, Catherine Autelet et Jean-Pierre Vigneron. Votre travail porte sur la dynamique à haute résolution du stockage de carbone des forêts en Europe à l'aide de nouvelles données de télédétection spatiale et vous allez nous en parler tout de suite. C'est à vous, Martin Schwartz. Bonjour, donc effectivement, comme vous l'avez dit, je travaille au LSCE, le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, et mon sujet de thèse est la dynamique à haute résolution du stockage de carbone dans les forêts en Europe à l'aide de nouvelles données de télédétection spatiale. Alors, dans un premier temps, on va laisser un peu de côté ces termes techniques de mon sujet de thèse pour bien comprendre ce qu'est le carbone et pourquoi je m'y intéresse dans ma thèse. Vous avez sûrement déjà entendu que la matière des choses qui nous entourent était constituée d'atomes assemblés les uns aux autres comme des sortes de pièces d'un puzzle. Et bien, parmi ces petites pièces, il y en a une qui sert à fabriquer les êtres vivants, c'est le carbone. Par exemple, environ 20% de votre corps est constitué d'atomes de carbone. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ma thèse, ce sont les arbres, qui sont aussi des êtres vivants, et qui, eux, sont constitués jusqu'à 50% de ce carbone. Ça signifie que plus un arbre est grand, plus d'accumuler du carbone dans l'air pour constituer son tronc, pour constituer ses branches, ses feuilles, pour devenir une sorte d'immense réservoir à carbone. Comme vous le savez aujourd'hui, on a une sorte de problème, un gros problème avec ce carbone, c'est que lorsqu'il est relâché dans l'atmosphère, par exemple si vous brûlez du bois, si vous utilisez de l'essence, ce carbone va se transformer en un gaz qu'on appelle le gaz carbonique, qui une fois dans l'air, contribue à piéger les rayons du soleil sur Terre, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre, et crée le réchauffement climatique. Un des moyens qu'on a aujourd'hui pour éviter de mettre trop de carbone dans l'air, une des pistes, ça pourrait être d'en mettre un peu plus dans les arbres, un peu plus dans les forêts. On pourrait donc essayer de mettre en place des stratégies de gestion des forêts pour augmenter ce réservoir de carbone. Et c'est d'ailleurs un des piliers de la stratégie nationale bas carbone en France qui compte là-dessus pour atteindre un objectif de zéro émission nette en 2050. Mais pour savoir si ces stratégies sont possibles, si elles sont efficaces, il faut pouvoir quantifier, il faut pouvoir mesurer ce stock de carbone et son évolution année après année. Et c'est là que j'interviens avec mon sujet de thèse. Je voudrais en fait créer une carte qui montre l'état du stock de carbone dans les forêts en Europe et son évolution année après année. Alors à quoi ça va ressembler, une carte qui montre ça? Ben, par exemple, si vous prenez une forêt avec des arbres centenaires, on verra sur la carte avec une différence de couleur que le stock de carbone est beaucoup plus élevé ici que dans la forêt qui sera plantée juste à côté, par exemple, si elle était plantée il y a quelques années seulement. Aujourd'hui, ce type de cartes, on peut déjà les faire après avec ce qu'on appelle des inventaires forestiers. Par exemple, un inventaire forestier, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à compter les arbres, mesurer leur hauteur, leur diamètre et plein d'autres paramètres sur une région donnée pour avoir un aperçu de l'état de la forêt. Le problème de ce type de méthode, c'est qu'il est très difficile d'avoir des mesures régulières parce que ça implique de repasser chaque année au même endroit pour remesurer les mêmes arbres et c'est très compliqué à mettre en place. Pour ma thèse, je vais donc plutôt m'appuyer sur des données dites de télédétection spatiale. Donc, ce sont des mesures qui sont faites à partir d'instruments qui sont à bord de satellites en orbite autour de la Terre qui vont nous permettre d'observer les forêts. Ces données, ce sont par exemple des images optiques, un peu comme des sortes de photos qu'on prendrait depuis l'espace, ou des mesures radar, ou encore des mesures dites LIDAR, c'est-à-dire basées sur l'exploitation de signaux laser émis vers la Terre. Et elles vont nous informer, par exemple, sur la densité des forêts, sur la quantité de feuilles, la hauteur des arbres, ou par exemple leur état de santé, enfin tout un tas de paramètres qui vont nous permettre d'estimer la quantité de carbone dans les arbres. Ces données proviennent entre autres des satellites Sentinel 1 et Sentinel 2 de la mission spatiale européenne Copernicus, dont vous avez déjà parlé tout à l'heure dans l'émission. Et l'intérêt de ces satellites, en fait, c'est qu'ils repassent presque tous les jours au-dessus des mêmes points. Ça permet de détecter rapidement un changement du stock de carbone, entre deux passages par exemple, et un changement du stock de carbone dans certaines forêts, par exemple, en cas d'incendie. Mmh. C'est donc l'analyse de ces données, avec de nouvelles techniques d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le fameux machine learning, qui va me permettre d'atteindre l'objectif de ma thèse, à savoir la création d'une carte montrant la répartition du carbone dans les forêts en Europe et son évolution année après année. Merci beaucoup Martin Schwartz, et on vous souhaite beaucoup de courage pour l'accomplissement de cette thèse. Alors une petite réaction éventuellement à ce qui vient d'être dit, Annick Aznav, sur ces travaux et sur ces technologies de télédétection. Oui, alors ben, je pense que c'est un problème fondamental dans les sciences du climat de savoir, je voudrais rappeler qu'il y a la moitié du dioxyde de carbone qui est émis par les activités humaines qui reste dans l'atmosphère, et c'est bien pour nous. Grâce à deux puits de carbone, l'océan, qui absorbe à peu près 25%, et la végétation terrestre. Et de savoir exactement combien la végétation absorbe de carbone, c'est absolument fondamental. Je voudrais d'abord féliciter ce jeune collègue pour ses travaux, et puis aussi mentionner qu'il y a une mission qui s'appelle Biomass, qui a été décidée et qui sera lancée par l'Agence spatiale européenne, je ne me souviens plus exactement quand, mais dans les prochaines années, dont l'objectif, ça va être de faire une cartographie globale de la biomasse terrestre, en particulier des forêts. Et à partir de là, on pourra effectivement évaluer quel est le stockage du carbone par les forêts, par la végétation, ce qui est un problème absolument crucial dans le domaine des sciences du climat. Simonetta Kelly, Martin Schwartz évoquait son utilisation des données des satellites Sentinel de la mission Copernicus. Alors, je l'évoquais en tout début d'émission, ce programme de l'Agence spatiale européenne a un petit peu changé la donne. Simonetta Kelly, est-ce que vous pourriez nous en rappeler un petit peu l'historique et puis la genèse de ce programme? Oui, c'est un programme qui est né il y a plus que 20 ans. En fait, c'est un programme qui est dirigé par l'Union européenne. C'est un programme où l'Agence spatiale européenne est responsable pour la composante spatiale de ce programme. Mais c'est un programme sous la leadership de la Commission européenne qui donne en fait tout ce qui sont les requirements des utilisateurs. Et l'ESA développe les satellites, donc les sentinelles, et elle organise les contrats avec l'industrie européenne qui construit ces satellites, elle organise les lancements et les opérations qui sont partagées avec EUMETSAT. C'est un programme complexe qui a eu beaucoup d'acquis déjà. Le premier satellite a été lancé en 2014, c'était la Sentinelle 1 que Martin a rappelé, suivi par Sentinelle 2, et en fait, c'est des satellites qui ont des instruments différents à bord. La Sentinelle 1 a un radar à bord, la 2 plutôt des instruments optiques, donc qui fournissent des informations très importantes. On a mentionné là les feux de forêt. Sous les feux de forêt, par exemple, avec la Sentinelle, on peut avoir l'étendue du feu de forêt, mais on peut avoir aussi des informations importantes sur le carbone, donc différents éléments d'information utiles à qui fait des politiques d'environnement. Donc ce satellite Sentinelle, aujourd'hui, on en a lancé déjà 7. Tous les 7 fonctionnent parfaitement bien. Le dernier, c'était le 5P qu'on a lancé en 2017. C'est un satellite qui a à bord un instrument fourni par les Hollandais qui s'appelle Tropo, mais qui nous a donné beaucoup d'informations intéressantes récemment dans la crise du Covid sur l'état des paramètres liés au dioxyde d'azote, la pollution européenne, la pollution de l'air, et l'état de la pollution de l'air. Et on va en lancer plusieurs dans les prochaines années. Les prochains, on a mentionné dans l'émission, c'est Sentinel 6 dans quelques jours. Donc, on regarde ça, et ça, c'est pour regarder la haussement des océans. Copernicus, c'est un programme très, très important dans le sens que c'est un programme qui a une valeur de longue durée en termes de fourniture de données, aussi de volume de données. On parle de aujourd'hui 250 terabytes par jour de données qui sont donc distribuées aux utilisateurs par interface web avec un accès qui est pour tout le monde, quelque part. Ce qui est très, très important, ça c'est assez crucial. Les données sont gratuites, personne ne doit payer pour ça. Les données sont gratuites, donc Martin, qui est scientifique, qui va faire des études sur le sujet, il peut utiliser ces données. Il y a aussi dans cet aspect lié au volume des données, un autre élément que Martin a mentionné qui est très important à rappeler ici, c'est l'aspect de l'artificial intelligence. Comme on a de plus en plus de gros volumes de données, spécialement de gros volumes de données liés à l'exploitation des sentinelles, on a besoin d'intégrer des techniques différentes comme l'artificial intelligence pour pouvoir arriver à avoir des produits et des informations intéressantes. Et on fait des tests à l'ESA avec l'intégration des données de plusieurs sentinelles pour voir notamment l'évolution de l'état du terrain dans les aéroports, ou l'état de pollution de la mer ou d'autres variables. Et notamment, on a utilisé dans un projet qu'on a monté avec la Commission depuis mars, donc depuis la crise du Covid, ces informations de Sentinelle de Copernicus pour regarder et des paramètres économiques, notamment des infrastructures stratégiques en termes de ports ou des infrastructures touristiques, aussi des paramètres agricoles, donc voir s'il y avait du retard dans tout ce qui était la raccolte de fraises en Espagne plutôt que des asperges en Allemagne, qui est quand même très important. C'est précis. La politique agricole. Et des paramètres, notamment on en a regardé 35, environnementaux. Donc la turbosité de l'eau, la dioxyde d'azote. Et donc on a utilisé énormément ces données pour faire un suivi de la crise liée au Covid et aujourd'hui pour faire un suivi de ce qui est la phase de relance économique aussi, mais aussi l'évolution environnementale liée à ce passage de crise qu'on espère soit bientôt over, disons, soit bientôt fini. Oui, on perçoit bien ici l'aspect polyvalent, extrêmement riche de toutes les données proposées par ces satellites du programme Copernicus. Annie Cazenave, en quoi est-ce que ce programme a constitué une petite révolution dans la connaissance de notre planète et puis dans l'évolution des sciences du climat? Grâce aux services Copernicus, notamment, bon, il y a plusieurs services, et en particulier pour les paramètres, un service pour l'atmosphère, un service pour les terres émergées, un autre pour l'océan, un autre pour le climat. Et Ces services, en fait, ils fournissent de façon opérationnelle des séries temporelles de données qui sont extrêmement utiles pour la recherche, pas seulement pour les, bien sûr, pour tout un tas d'applications, mais pour les chercheurs, ce sont des données qu'on utilise couramment. En particulier dans mon cas, les données qui sont produites par le Climate Change Service, C3S, aussi le Marine Service de Copernicus. Et donc, ces données-là, accessibles, comme a dit Simonetta, de façon gratuite, en temps très peu différé, etc., sont des données fondamentales. Simonetta Kelly, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a plusieurs familles. C'est un peu le jeu des six familles, le programme Copernicus avec les six familles de satellites Sentinel. Ces satellites, ils sont toujours envoyés par paire dans l'espace. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'envoyer deux satellites et non pas un? Alors, c'est important d'envoyer des séries de satellites parce qu'il y en a, oui, les premières deux qui sont décidées, c'est les 1 et les 2, disons, les A et les B, mais on essaie d'avoir des satellites qui sont en série, donc avec aussi une version C et une version D. Et ce qui est important là, c'est de rappeler le fait qu'il faut une continuité de données du même type et de la même qualité pendant longtemps. Donc, ça, c'est une des raisons de pas one-off, mais des séries de satellites. Aujourd'hui, vous avez dit, on est à 6 Sentinelles. Oui, on lance la sixième dans Le quelques 21 jours. novembre. On a aussi une évolution de ce programme qui est prévu. Donc, ce qu'on appelle le Sentinel Expansion Mission, donc l'expansion de ce programme Copernicus, qu'on a décidé l'année passée à la ministérielle de l'ESA à Séville en novembre. On a donné un financement d'1,8 milliard initial sur les prochaines générations de Sentinelles. Donc, six nouvelles missions qu'on ne va pas appeler 7, 8, 9, mais qu'on va appeler Sentinel Expansion, qui sont des nouvelles missions qui vont répondre à des besoins de politique sectorielle européenne, notamment la politique dans les domaines de l'environnement, du climat, la politique agricole, la politique liée au suivi des régions polaires. Et là, dans la nouvelle série de Sentinelles, on a notamment une mission qui est dédiée au CO2. On a parlé du stocktake, de l'importance d'avoir du reporting dans le cadre de la COP21 et des accords de Paris. Donc, on a une mission qui va être dédiée au suivi des mesures de CO2 d'origine anthropogénique pour aider l'implémentation des accords de Paris. Et on a des missions, une liée à l'agriculture, l'autre liée au food security, donc à la sécurité agricole, l'autre liée au suivi des régions polaires et une autre avec un radiomètre qui est microwave, donc un onde courte qui va suivre un peu la surface des océans. Et finalement, il y en a une autre qui va être sur la végétation et les landes. Donc, on a six nouvelles missions Sentinel qui sont en train d'être développées. Les contrats initiaux pour ces six nouvelles satellites sont en train d'être signés d'ici la fin de l'année. On va en signer un ce vendredi, donc après-demain, avec plusieurs industries européennes, parce qu'évidemment, c'est un effort énorme au niveau industriel aussi de développer ces missions. Et c'est très important de travailler dessus aussi pour garantir le futur. Annick Aznav, je posais la question à Simonetta Kelly de l'importance d'envoyer les satellites par deux dans l'espace. Si je Alors, posais cette question, dites-moi, oui. Bon, d'abord, bien sûr, la continuité, c'est Oui, parce que fondamental. s'il y a une panne, Mais finalement, ça biaise, les c'est ça, recherches. surtout. C'est exactement ce que je voulais dire. En avoir deux en orbite, deux capteurs du même type en orbite, c'est extrêmement important s'il y en a un qui tombe en panne. Ou s'il y en a un qui un instrument à bord qui commence à dériver, c'est déjà arrivé dans le passé. Et dans ce cas-là, il faut pas attribuer une dérive à un phénomène physique. On a eu ce problème-là dans le passé avec la mesure du niveau des mers, et donc c'est absolument fondamental pour la calibration, l'intercalibration des mesures, d'avoir au moins deux instruments du même type en orbite. Oui, parce que ce sont encore des objets malgré tout fragiles. Alors on parle aussi de leur performance, de leur précision millimétrique, centimétrique. Mais quand même, est-ce qu'il y a encore des limites que vous voyez, Annick Aznav, à l'observation par satellite? Est-ce qu'il y a des choses qui, vous, en tant que géophysicienne, ne vous manquent et que les satellites ne peuvent pas vous montrer et vous donner? Il y a toujours des choses qui nous manquent parce que quand on est chercheur, on a envie de tout avoir en termes de mesures. Je pense qu'il faut toujours essayer de pousser le plus loin possible les performances. Alors, soit au niveau de la technique instrumentale, et bon, ça, c'est pas mon domaine, mais aussi après, ce qu'on appelle le processing des données, améliorer les modèles, par exemple, pour corriger un certain nombre d'effets indésirables, ou on a parlé de l'orbitographie au début. Pendant longtemps, ça a été la pression de la connaissance la position du satellite dans l'espace a été limitée par la méconnaissance du champ de gravité de la Terre, qui est la plus grande force qui agit sur les satellites. Donc, il faut toujours essayer d'obtenir les performances ultimes, donc sur plusieurs plans, comme j'ai dit, à la fois au plan technique, au plan instrumental, au plan de l'analyse des données. Et puis faire des recommandations pour le futur. Alors, qu'est-ce que je voudrais, moi? Je pense qu'un domaine qui mériterait qu'on fasse des observations de manière systématique, ce sont les zones côtières du monde, qui sont des zones qui sont soumises à plein de stress, à la fois dû à des phénomènes naturels, et puis il y a la pression anthropique qui joue là beaucoup. Et mesurer de façon en routine, je dirais, tout ce qui se passe au niveau des zones côtières, à la fois du côté océanique, du côté continental, et puis la réponse des zones côtières aux différents forçages, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. C'est un exemple, il y en a plein d'autres, hein, dans le domaine du climat et de la surveillance de l'environnement. C'est un domaine qui m'intéresse et qui me préoccupe plus particulièrement. Et voilà, c'est un exemple, mais on Ça tombe bien pourrait. puisque l'Agence spatiale européenne vous écoute à l'heure qu'il est. Simonetta Kelly, est-ce que vous prenez des notes pour aider Annie Cazenave dans ses recherches? Et quelles Bien sûr, on améliorations, sur quelles travaille ensemble améliorations? depuis des années avec Annie. On ne se voit pas souvent, mais on est en fait sous les mêmes domaines, sous les mêmes recherches. Et je crois que la mise en commun avec les scientifiques de la grande valeur qu'on a, qui sont nos données, et aussi de l'expertise, de mettre en réseau les scientifiques du monde entier sous les mêmes sujets, sous les mêmes thématiques, c'est un peu la valeur ajoutée qui est la valeur de l'Agence spatiale européenne. Donc une agence qui a une vocation spatiale de développer et construire des satellites, mais aussi de travailler avec les scientifiques qui exploitent au mieux nos données. Ça, je pense que c'est très important de Oui. le faire dans tous les domaines. Et Excuse. aussi de lier ça au niveau politique. Parce qu'aujourd'hui, on parle par exemple des SDG. Sous les SDG, on parle du food security, on parle du climat, on parle de l'eau. Et ça, c'est évidemment des sujets politiques, mais il faut quand même donner aux sujets politiques des réponses concrètes, des réponses qui viennent aussi du monde scientifique et du monde technologique comme le nôtre. Et ça, c'est essentiel de faire la connexion entre les deux, et c'est un peu notre rôle quelque part. Est-ce que je pourrais ajouter brièvement Très quelque chose? brièvement, très brièvement. Oui, je sais qu'on arrive à la fin de l'émission. Ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est très important de faire le monitoring des variables environnementales qu'on fait maintenant depuis des années, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut aussi tendre, c'est vers les combiner avec des facteurs socio-économiques de vulnérabilité, d'exposition, de façon à fournir des indicateurs d'impact du changement climatique à tous les niveaux. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas encore vraiment faites et que les services Copernicus devraient Et qui développer seront dans le faits, je futur. l'espère, dans le futur, et on gagnera encore plus en précision après avoir décrit la Terre. On pourra en venir aux rapports sociaux sur Terre. Ce sera vraiment parfait grâce aux satellites. Merci beaucoup à vous deux, Simonetta Kelly et Annie Cazenave, de nous avoir accompagnés dans ce tour de la Terre en 58 minutes. Un grand merci à toute l'équipe de la méthode scientifique qui m'a aidé à préparer les émissions ces derniers jours. Céline Lozen, Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Natacha Triou, Alexandra Delbault, François Malordi. À la réalisation aujourd'hui, Olivier Bétard. À la technique, Nasser Moussa. Ah oui, un dernier mot pour vous dire que vous pouvez retrouver aujourd'hui la dernière livraison des idées claires de l'ami Nicolas Martin, des idées claires qui posent aujourd'hui la question, la deuxième vague était-elle prévisible? Et puisqu'il est question de Nicolas Martin, vous aurez le plaisir de le retrouver demain à 16h pour un grand entretien avec le président de l'INSERM, Gilles Bloch. Rendez-vous demain.